Ma fille, que ton songe en d'étranges frayeurs, ainsi que toi me plonge, que j'en crains les effets qui semblent s'approcher. Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher? Sévère n'est point mort. Quel mal nous fait sa vie? Il est le favori de l'empereur d'ici. Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, l'espoir d'un si haut rang lui devenait permis. Le destin, au grand cœur si souvent mal propice, se résout quelquefois à leur faire justice. Il vient ici lui-même. Il vient? Tu le vas voir. C'en est trop. Mais comment le pouvez-vous savoir? Albin l'a rencontré dans la proche campagne. Un gros de courtisans en foule l'accompagne et montre ainsi quel est son rang et son crédit. Mais Albin, redis-lui ce que ces gens t'ont dit. Vous savez quelle fut cette grande journée que sa perte pour nous rendit si fortunée, où l'empereur captif, par sa main dégagée, rassura son parti déjà découragé, tandis que sa vertu succomba sous le nombre. Vous savez les honneurs qu'on fit faire à son ombre après qu'entre les morts on ne le put trouver. Le roi de Perse aussi l'avait fait enlever. Témoin de ses hauts faits et de son grand courage, ce monarque en voulut connaître le visage. On le mit dans sa tente où, tout percé de coups, tout mort qu'il paraissait, il fit mille jaloux. Là, bientôt, il montra quelques signes de vie. Ce prince généreux en eut l'âme ravie et sa joie, en dépit de son dernier malheur, du bras qui le causait, honora la valeur. Il en fit prendre soin, la cure en fut secrète, et comme au bout d'un mois sa santé fut parfaite, il offrit dignité, alliance, trésor, et pour gagner ses vers, il fit de vains efforts. Après avoir comblé ses refus de louanges, il envoie à Décis en proposer l'échange. Et soudain, l'empereur, transporté de plaisir, offre au Perse son frère et 100 chefs à choisir. Ainsi revint au camp le valeureux Sévère, de sa haute vertu recevoir le salaire. La faveur de Décis en fut le digne prix. De nouveau long combat, et nous sommes surpris. Ce malheur, toutefois, sert à croître sa gloire. Lui seul rétablit l'ordre et gagne la victoire, mais si belle et si pleine, et par tant de beaux faits, qu'on nous offre tribut et nous faisons la paix. L'empereur, qui lui montre une amour infinie, après ce grand succès l'envoie en Arménie, il vient en apporter la nouvelle en ces lieux, et par un sacrifice, en rendre hommage aux dieux. Oh, ciel! En quel état ma fortune est réduite? Voilà ce que j'ai su d'un homme de sa suite, et j'ai couru, Seigneur, pour vous y disposer. Oh, sans doute, ma fille, il vient pour t'épouser. L'ordre d'un sacrifice est pour lui peu de choses. C'est un prétexte faux, dont l'amour est la cause. Cela pourrait bien être. Il m'aimait chèrement. Que ne permettra-t-il à son ressentiment? Et jusque à quel point ne porte sa vengeance une juste colère? Avec tant de puissance, il nous perdra, ma fille. Il est trop généreux. Tu veux flatter en vain un père malheureux? Il nous perdra, ma fille. Ah, regret qui me tue de n'avoir pas aimé la vertu toute nue. Ah, Pauline, en effet, tu m'as trop obéi. Ton courage était bon, ton devoir l'a trahi. Que ta rébellion m'ait été favorable, qu'elle m'eût garanti d'un état déplorable. Si quelque espoir me reste, il n'est plus aujourd'hui qu'en l'absolu pouvoir qu'il te donnait sur lui. Ménage en ma faveur l'amour qui le possède, et d'où provient mon mal, fais sortir le remède. Moi? Moi que je revois un si puissant vainqueur, et m'expose à des yeux qui me percent le cœur, mon père. Je suis femme et je sais ma faiblesse. Je sens déjà mon cœur qui pour lui s'intéresse et poussera sans doute en dépit de ma foi quelques soupirs. Indigne et de vous et de moi, je ne le verrai point. On rassure un peu ton âme. Il est toujours aimable et je suis toujours femme. Dans le pouvoir sur moi que ses regards ont eu, je n'ose m'assurer de toute ma vertu. Je ne le verrai point. Il faut le voir, ma fille, ou tu trahis ton père et toute ta famille. C'est à moi d'obéir puisque vous commandez. Mais voyez les périls où vous me hasardez. Ta vertu m'est connue. Elle vaincra sans doute. Ce n'est pas le succès que mon âme redoute, Je crains ce dur combat et ces troubles puissants que fait déjà chez moi la révolte des sens. Mais puisqu'il faut combattre un ennemi que j'aime, souffrez que je me puisse armer contre moi-même et qu'un peu de loisir me prépare à le voir. Jusqu'au devant des murs, je vais le recevoir. Rappelle cependant tes forces étonnées et songe qu'en t'aimant, tu tiens nos destinées. Oui, je vais de nouveau dompter mes sentiments pour servir de victime à vos commandements.